Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre du Kosovo à la fin des années 1990. Mais c'est incroyable, c'est un défilé militaire comme j'en ai jamais vu. Il y a des centaines et des centaines de blindés, de chars, de canons antiaériens, de pièces d'artillerie. Il y a aussi effectivement beaucoup de journalistes, c'est un peu un grand cirque médiatique en même temps. Et tout ça a créé un immense embouteillage entre la frontière d'une part et Skopje, la capitale. À ce rythme-là, on va arriver à Pristina très très tard aujourd'hui. Sur la route, on a vu également beaucoup de maisons qui sont dévastées. C'était des maisons d'Albanais. Des voitures abandonnées qui, bien sûr, ont été détruites, saccagées. Il y a aussi une usine qui, visiblement, a été bombardée par les tirs de l'OTAN. Donc, c'est pas beaucoup déjà à l'intérieur du territoire du Kosovo, mais ça donne une idée de la dévastation qui a pu se passer pendant les 2 mois et demi de guerre. Sur la route de Skopje à Blatsé, c'était difficile pour les troupes de passer inaperçues. Les milliers de réfugiés du camp de Stankovets 2 qui se trouve sur la route de Blatsé sont sortis spontanément pour faire la fête aux véhicules militaires qui passaient. Manon Globenski à Skopje en Macédoine. Manon Globenski et Hugues Poulin accompagnent les troupes de la KFOR, la Force multinationale de paix pour le Kosovo, quand elle entre dans le pays le 12 juin 1999, après la signature d'une entente avec le gouvernement de Slobodan Milosevic qui prévoit le retrait des forces serbes du Kosovo. L'arrivée de la KFOR marque la fin de la guerre du Kosovo, une guerre qui a coûté la vie à environ 13 000 personnes, qui a conduit environ 800 000 Albanais du Kosovo dans des camps de réfugiés en Albanie et en Macédoine. Manon Globenski a pu mesurer les ravages que cette guerre a provoqué quand elle est entrée dans le pays en juin 1999. On a pensé l'inviter à participer à cette série d'émissions spéciales où des collègues de la boîte viennent nous parler d'histoires qu'ils connaissent bien. Dans votre cas, Manon Globenski, d'une histoire que vous avez couverte en 1999. Bonjour. Bonjour. Où en êtes-vous d'abord? Dites-nous où est-ce que vous en êtes dans votre carrière au moment où vous partez pour le Kosovo en 1999 et qu'est-ce que ça représente, cette couverture-là, pour vous comme jeune journaliste à l'époque? Oui, bien, jeune journaliste, j'étais déjà correspondante parlementaire à Ottawa depuis 5 ans, j'avais vraiment très peu d'expérience à l'international, ça c'est vrai, sauf pour suivre les voyages officiels du premier ministre Jean Chrétien à l'époque. Et le Kosovo, donc, pour moi, ça sera le premier conflit, bien sûr. J'en ai couvert beaucoup d'autres ensuite. J'y ai appris ce que c'était un fixeur, ces fameux guides, interprètes, là, et comment on les trouve, ces gens exceptionnels sans qui on serait incapable de travailler sur le terrain. Et ça a été aussi, mais ça, je ne le savais pas au départ, ma première rencontre avec la mort. Oui. Puis ça va être important et vous allez en parler dans les reportages que vous allez faire en 99, puis on va en entendre un extrait un peu plus tard. Un petit mot sur le contexte avant de parler de votre couverture comme telle, Manon. Cette guerre-là, la guerre du Kosovo, qui n'est pas très longue, hein, qui dure à peu près 2 ans, elle va se préparer sur à peu près 10 ans. Comment on en arrive à la guerre du Kosovo? Oui, vous dites 10 ans, mais c'est peut-être même plus. Hein. En 81, là, quand Tito meurt, le Kosovo obtient un statut d'autonomie. Et c'est Slobodan Milosevic qui, en 89, va tenter de reprendre ce statut-là d'autonomie. En fait, il le gruge un petit peu. Au départ, il tente d'enlever l'éducation, le contrôle de la police, la politique économique. Il abroge même le droit de veto que le Kosovo avait obtenu. Et puis, ensuite, il réussit à faire voter à l'Assemblée législative, malgré la présence de Kosovars albanais quand même importante. Il réussit à faire voter la suspension totale de cette Assemblée législative et donc l'autonomie disparaît complètement. C'est sûr que les Albanais du Kosovo ne le prennent pas. Absolument. Du tout. Ouais. Et en fait, ils déclarent pas l'autonomie, une république, en fait. Il y a un référendum. Oui, exactement. Il y a une république du Kosovo qui est créée en 92 à travers Ibrahim Rugova, qui est un homme, une figure vraiment politique importante, qui d'ailleurs va redevenir président en titre de 2002 à 2006, là, une fois la guerre terminée. Pour lui, là, l'indépendance, il va poursuivre cette idée-là jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort en 2006. Et puis, la Serbie réagit pas trop au départ parce qu'ils sont pris dans la désintégration de la Yougoslavie. Mais quand on a les accords de Dayton en 95, le Kosovo n'est mentionné nulle part dans ces accords de Dayton. Et donc, les forces serbes s'installent dans cette province du Kosovo pour y assurer la sécurité. Il faut dire que le Kosovo, c'est important pour la religion orthodoxe, mais c'est aussi un territoire qui est riche en ressources naturelles, qui intéressait énormément donc les Serbes. Et En 96 arrive l'UÇK, cette armée de libération du Kosovo qui commence à viser les forces serbes. Ouais. Et l'armée serbe, bien sûr, la police serbe, les forces paramilitaires qui sont sur le terrain ripostent. C'est la guerre. Ouais. Les Albanais fuient en grand nombre, les bombardements des villes et des villages albanophones qui sont très importants. Et ils sont même expulsés parfois des zones où l'UÇK domine. Ce qui fait que la communauté internationale commence à s'inquiéter. Il y a des tractations, des négociations qui mènent à peu près nulle part. Puis à un moment donné, l'OTAN va intervenir. Puis c'est important de le spécifier parce que, d'une part, parce que l'intervention de l'OTAN va avoir un poids considérable dans la fin de cette guerre du Kosovo. Puis aussi pour clarifier les choses, parce que on l'entendait au tout début, Hugues Poulin parle d'une guerre qui a duré 2 mois et demi. En fait, la guerre totale, à partir du moment où l'UÇK affronte les forces serbes, c'est à peu près 2 ans. Mais ces 2 mois et demi dont parle Hugues Poulin, c'est la période où l'OTAN intervient. Et ça va être fondamental, Manon Dubinsky. Absolument. En fait, ça change tout. Parce que ce qu'on ne réussissait pas à obtenir par pression diplomatique, une espèce d'entente entre les deux, et on a certainement tenté de la négocier à Rambouillet, mais dès que l'OTAN signifie son intention de procéder à des frappes aériennes en janvier 99, la pression est là. Et Rambouillet, ça va être tout le mois de février, les Serbes, les Albanais sont réunis. On essaie de négocier un retour au statut d'autonomie du Kosovo, ouais. Mais ça ne fonctionne pas. Les Serbes, en fait, ne veulent rien savoir. Et donc, le 24 mars 1999, commencent ces frappes aériennes de l'OTAN. Des frappes qui vont durer 78 jours, qui bombardent, on entendait Hugues Poulin décrire un peu les dégâts, donc les routes, les infrastructures importantes, les lignes électriques des usines, mais il y aura des erreurs aussi. Il y aura des erreurs sur des populations civiles. Il y aura l'ambassade chinoise à Belgrade, les gens se souviendront peut-être, qui est bombardée aussi à cette occasion. Et cette campagne-là, bien sûr, elle accélère les déplacements des Kosovars d'origine albanaise, qui fuient donc les bombardements. Elle accélère la répression. Qui vont se retrouver dans des camps. Oui, elle accélère... oui, qui se retrouvent dans des camps en Macédoine et en Albanie. Ouais. Elle accélère aussi la répression à l'intérieur du Kosovo, bien sûr, sur cette population d'origine albanaise. Ouais. Alors, parlons de votre couverture de la situation au Kosovo comme telle. On parlait des camps il y a un instant. Quand vous partez, en fait, quand vous quittez le Canada au début du mois de juin, vous vous attendez, en fait, à ça, à aller couvrir l'impatience qui gronde dans les camps. Vous décidez d'aller en Macédoine, mais vous arrivez à Vienne au milieu de la nuit et quand votre avion se pose à Vienne, vous découvrez que, ah tiens, il y a eu une entente. Slobodan Milosevic accepte entente de paix, donc, de cesser le feu. Exact. Ça change une couverture, Manon. Ça change une couverture, absolument. Mais bon, j'avais la chance de rejoindre à Skopje des collègues d'expérience. Céline Galipeau était déjà là de la télévision, donc de Radio-Canada, et un collègue de la radio de CBC que je ne connaissais pas, qui s'appelait Rick McInnesry. Donc, tout le monde l'appelait Armac. Et Armac, c'est un journaliste qui avait fait toute la campagne des Balkans. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait énormément et qui m'a prise en charge, vraiment, qui m'a guidée à travers tous les dédales. Parce qu'au début, dans le fond, Jacques, ce qu'on a été obligé de faire, c'est de couvrir les négociations. Ouais. Moi, je m'attendais à aller dans les camps. Je n'ai pas fait ça du tout. D'ailleurs, bon, le collègue Hugues Poulin, dont j'allais assurer la relève, reviendra lui aussi sur le terrain parce qu'on se rend compte très vite qu'on va pouvoir entrer au Kosovo. Ouais. C'est ça qu'on apprend quand on couvre les négociations. Parce que ces négociations-là, c'est ça, en fait. C'est cette fameuse force multinationale de la KFOR, de paix. C'est la négociation de l'entrée de... Bon, d'abord, le retrait des Serbes du Kosovo et l'entrée de la KFOR dans le pays. Exactement. Et donc, on a dû s'ajuster à une nouvelle façon de faire. La KFOR distribuait des cartes de presse, donc des accréditations importantes. Et il y avait ce concept qui est un concept naissant avec lequel moi, je vais renouer plus tard en Irak, en fait, 2 ans plus tard en Irak. C'est l'insertion des journalistes au sein de contingents d'unités militaires qui vont entrer sur le terrain. Ce sésame-là, cette carte de presse, va me permettre, en fait, d'accompagner des soldats canadiens qui, effectivement, vont entrer au Kosovo. Donc, vous partez avec ce contingent de soldats canadiens, membres de la KFOR. Comment ça se passe, l'entrée au Kosovo? Alors, le 12, c'est un samedi, et moi, je suis à la frontière avec le Kosovo, donc entre la Macédoine et le Kosovo, et c'est incroyable. C'est un balai d'hélicoptères et d'avions parce qu'il faut rentrer le matériel, il faut rentrer le ravitaillement, et on voit même des ponts en fer suspendus sous des hélicoptères, puisqu'il faut aussi sécuriser les routes, les rebâtir d'une certaine façon pour que cette force de la CAFOR puisse se déployer partout dans ce territoire kosovar. Ouais. Et les Canadiens, eux, sont entrés le lendemain, donc le dimanche, en empruntant une route désormais sécurisée, la route de Pristina, mais ils ne se rendront pas à Pristina, la capitale. On s'arrête à peu près à mi-chemin à Uruchevac. Et ça, cette ville, ce que les Canadiens ont comme mission, c'est de la sécuriser. Mm-hmm. C'est une ville où il y a une population d'origine albanaise, mais il y a aussi une importante population d'origine serbe. Donc, on s'installe sur le terrain. Les journalistes, on avait été placés à l'arrière d'un camion militaire avec une bâche. On a donc pu voir au début un paysage magnifique, presque bucolique, Jacques. Mm-hmm. C'était difficile de s'imaginer qu'il y avait eu une guerre là, au moment où on est entré, parce que c'est des collines verdoyantes, c'est des coquelicots à perte de vue. Et quand on est arrivé à Uruchevac, vraiment accueil triomphant pour ces soldats canadiens. La population est le long de la route avec des fleurs à la main. Des œillets, si je me souviens bien. C'est la libération. C'est la libération. Et ça, c'est donc pour vous le 13 juin 1999, cette entrée au Kosovo avec les forces canadiennes qui font partie de la CAFOR. Assez vite, ça l'a dit, vous allez quitter les forces de la CAFOR, vous vous dirigez avec une collègue australienne vers la ville de Prizren. Et vous vous souvenez encore très, très bien de ce trajet-là, du trajet qui va vous conduire à Prizren, Manon de Lebensky. Pourquoi? Bien, dans le Kosovo, en fin de conflit, il y avait deux dangers. Le premier, c'était les francs-tireurs. Parce qu'on nous disait, bien sûr, la population serbe va quitter. Là. Les forces serbes vont quitter une grande partie de la population. Je pense que c'est 200 000 Serbes vont quitter aussi une fois que la CAFOR entre. Mais donc, on nous dit qu'il y a des francs-tireurs qui restent et qui défendent d'anciennes propriétés serbes. On nous dit aussi qu'il y a des mines. Il y a ce danger, aussitôt qu'on quitte une route asphaltée, de pouvoir rouler sur une mine. Mais nous, il faut le faire. Il faut faire cette route vers Prizren, qui est une route donc non sécurisée entre le contingent italien qui est sur la route principale qui mène à Pristina et la ville de Prizren où est le contingent allemand. Donc, on a une heure de route à faire. À découvert. Ouais. Et dans ce qu'on appelle un soft car, parce que beaucoup de journalistes sont entrés dans des voitures blindées, mais nous, on n'a pas ça. Et donc, dans cette voiture, on est quatre. On a deux gilets pare-balles. Et ce qu'on s'est dit, c'est s'il y en a un qui change d'idée, s'il y en a un qui est plus à l'aise avec l'idée de faire la route comme ça, non sécurisée jusqu'à Prizren, il le dit et on changera de... On revirera de bord, comme on dit. Mais ça valait, ça vous allez le savoir après, ça valait vraiment le risque, cette route qui vous conduira à Prizren, parce que quand vous arrivez là-bas, vous êtes à même de constater à la fois le soulagement des Kosovars, ce que vous évoquiez un instant, là, cette joie avec la fin de la guerre, mais très vite aussi, vous allez constater les horreurs qu'a produite cette guerre. On écoute à ce sujet le reportage que vous présentez au Radio-Journal du 15 juin 1999. Au centre-ville de Prizren, pendant des heures, des voitures pleines de combattants et de sympathisants de Loucheka ont défilé. Prizren est une ville magnifique, traversée par une rivière aux cascades violentes, où les maisons aux toits de tuiles rouges se mêlent à plans de montagne, aux dômes des églises orthodoxes et aux minarets des mosquées. C'est difficile de croire qu'il y a à peine deux jours, les rues étaient désertes, que la majorité albanaise dans cette ville se tairait chez elle, ne sortant que pour de rares achats. Maintenant, c'est l'allégresse, des drapeaux rouges albanais flottent partout. Un jeune soldat de Loucheka, sa carabine sur l'épaule, bien en évidence, dit qu'il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. La démilitarisation de Loucheka ne veut certainement pas dire que ses membres rendent les armes, si on se fie à ce qu'on voit, du moins pour le moment. Prizren a été durement touchée par les bombardements de l'OTAN qui ont anéanti une tour de transmission et une garnison yougoslave. Ses habitants ont souffert aussi de l'occupation serbe. On a découvert déjà, à une quinzaine de kilomètres au nord, à Velika Kruche, une vingtaine de corps calcinés, des hommes et des enfants, croit-on, qui auraient été brûlés vifs dans une maison par des membres d'un groupe paramilitaire serbe. Ça explique un peu l'atmosphère de libération qui flotte en ville. Manon Globenski à Prizren, au Kosovo. On va revenir dans un instant, Manon Globenski, sur l'horreur qu'a provoqué la guerre du Kosovo, une horreur que vous allez découvrir. Vous allez en voir très concrètement les vestiges, les traces dans la région de Korenica. Mais d'abord, un mot sur Luceka, dont vous parlez à quelques reprises dans votre reportage, cette armée de libération du Kosovo. Quel rôle a Luceka dans cette guerre-là? Puis qu'est-ce qu'elle... On entend les gens là, qui acclament les soldats de Luceka. Pourquoi? Qu'est-ce que cette armée représente pour les Kosovars? Bien, Luceka, ce sont leurs maris, leurs enfants. Dans le fond, cette journée-là, ce qu'on a vu descendre de la montagne, ce sont des maquisards, des gens de la résistance qui avaient passé la guerre cachés et qui faisaient la fierté des réfugiés qui revenaient. Comme je vous l'ai dit, ces gens-là, ils ont été poussés hors de chez eux, d'une certaine façon. Dans la honte, souvent, on leur a pris leur papier d'identité, on a même pris les plaques minéralogiques des voitures, Dieu sait pourquoi. Et là, ils revenaient et ils avaient l'impression que plus jamais les Serbes n'auraient le contrôle sur le Kosovo. Et c'est ce sentiment-là qui est exprimé à travers cet Luceka qui, finalement, a comme but de libérer, de rendre le Kosovo indépendant. C'est leur but. Ils existent, on l'a mentionné, depuis 1996. Et c'est leur triomphe à ce moment-là. On le sait qu'après, il y aura bien sûr une remise en question de la façon dont ils se sont comportés pendant cette guerre. Il y aura un tribunal de l'ONU mis sur pied et certains, donc, auront droit à des procès. Mais pour la population d'origine albanaise, ce sont des héros, c'est sûr. La fierté qu'ils représentent parce que ce sont eux qui ont résisté, qui ont tenté et qui ont résisté, en fait, sur le territoire. Mm-hmm. Vous quittez donc Prizren pour aller à Korenica. Et là, vraiment, vous parliez au tout début de l'émission, c'est à l'occasion de cette couverture en 99 que je vais voir de mes yeux voir la mort pour la première fois. C'est ça qui vous attend, en fait, à Korenica. Oui, en fait, c'est que ma collègue australienne, elle avait passé beaucoup de temps dans les camps de réfugiés, donc en Albanie surtout, et elle avait écouté les récits, les histoires que les Albanais faisaient des massacres perpétrés par les forces serbes. Et donc, notre travail était assez simple. Il s'agissait d'aller vérifier sur le terrain si ces choses-là avaient bel et bien eu lieu et si on en trouvait la trace. Et ça a été le cas à Korenica. Donc, on arrive à cette maison de la famille Berisha, une maison de village de 3 étages, incendiée. Je me souviens du moment où je montais l'escalier, d'entendre le craquement dans cette maison noircie, le craquement du verre sous nos pieds. Et quand on est arrivé dans la pièce à l'étage supérieur, on voyait clairement des ossements humains dans la pièce. Ce qu'on nous a dit, et l'odeur, il faut absolument que je mentionne l'odeur parce qu'elle est restée avec moi longtemps, cette odeur. C'est la première fois que je sentais ce que ça sentait un corps humain qui a brûlé, mêlé à l'odeur de l'essence, mêlé à l'odeur, bien sûr, du bois, qu'on connaît bien. Et ce qu'on nous a raconté, c'est que c'est les hommes de la famille qui ont été exécutés dans cette pièce. Et ensuite, les policiers serbes, nous disait-on, ont jeté des couvertures en feu sur les cadavres. Et donc, ça a brûlé. Et cette histoire, elle a été racontée par une des victimes qui apparemment a réussi à se sauver et a raconté ce qui s'était passé pour ensuite être rattrapée et être exécutée. Donc, Et on veut, je le signale aussi parce que c'est important, ça fait partie du rôle que vous avez, qu'on a tous, les journalistes, quand on se rend dans des zones de guerre, témoigner. Et les gens veulent que vous voyez, on vous amène dans cette maison. Absolument, absolument. Ça fait partie de tout notre trajet, dans le fond. On a des buts précis, nous, et puis il y a des apartés parce que les gens veulent qu'on voit, entre autres, par exemple, la question des puits. Les puits, on a découvert que les puits étaient contaminés parce qu'on y avait jeté des cadavres d'animaux ou d'humains. Mais je me souviens d'être arrêtée le long d'une route et de regarder donc le temps qu'on sorte un cadavre de vache dans le cas qui nous préoccupe. Mais l'ONU a découvert que dans la région où on était, dans cette région de Korenica, je pense que c'était 29 des 44 puits de village qui avaient été contaminés comme ça. Oui. Un petit mot, Manon, sur une visite que vous allez faire aussi au monastère Sainte-Trinité, parce que ça nous amène, c'est plus qu'anecdotique, ça nous amène à parler de la dimension religieuse, ethnique aussi de cette guerre-là. Mais en fait, Il y a beaucoup de monastères et d'églises orthodoxes au Kosovo. C'est considéré comme le berceau historique et religieux de la Serbie, puisque la capitale politique, Pristina, y a été longtemps à Pristina, donc la capitale politique de la Serbie. Et ce monastère, juste au nord de Prizren, il avait été pillé et incendié. Nous, on est allé voir, donc, une fois que ça avait été fait, et on a essayé de savoir si l'iconostase avait été sauvée, comme on l'entendait dire et tout, mais il restait un moine sur place. Il n'a jamais voulu nous ouvrir la porte. Et on n'a jamais pu avoir de réponse à nos questions. Mais dans le stationnement, en fait, devant le monastère, on a essayé donc de transmettre nos reportages. Et là, des coups de feu ont retenti tout près de la voiture. On voyait les balles faire des ricochets sur la terre. Ouais. Alors, on a ramassé nos téléphones satellites assez vite. On a compris que quelqu'un voulait surtout nous faire peur. Ne nous visait pas, nous, personnellement, mais voulait qu'on parte de là très rapidement. Et ces attaques, évidemment, de ces monastères orthodoxes qui représentent donc pour les Serbes le berceau de la grande nation, de la civilisation serbe, ces attaques-là, c'était les représailles, la répression dans laquelle on va s'engager à la suite de la guerre du Kosovo quand les Albanais reviennent. Ils s'en prennent aux Serbes et aux symboles qui sont importants pour les Serbes, dont ces monastères et ces églises orthodoxes. Pristina, on va terminer cette émission à Pristina. C'est là que vous terminez votre couverture aussi. Quand vous arrivez là-bas, dans quel état est la ville? Dans quel état d'esprit est la population? Mais nous, on avait quitté Prizren parce qu'on n'avait plus de vivres, en fait. Et on se disait, là, il faut absolument aller vers Pristina. C'était pas beaucoup mieux. Il manquait d'eau courante. Il manquait d'électricité dans presque toute la ville. Donc, pour un journaliste, ça rendait le travail très compliqué. Mais on a quand même pu faire quelques reportages. Entre autres, on est allé dans un hôpital. Vous parliez du œil pour œil, dent pour dent, mais ouais. Là, on l'a vraiment vu, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes hommes, soit estropiés, soit même amputés dans cet hôpital. Et c'est parce que c'est... Kosovars d'origine albanaise, quand ils rentraient dans leur ferme, dans leur maison, souvent, les entrées étaient piégées. Et donc, sauter sur une mine quand on entre dans son étable, ça rendait ces jeunes hommes très amers, ouais. Très en colère. Et d'une certaine façon, j'ai vu là qu'on n'avait pas réglé grand-chose et que ça a été Serbe contre Albanais. On voyait Albanais contre Serbes et j'avais l'impression qu'on pourrait reprendre facilement cette roue interminable pendant des années encore. Et ce sera effectivement pas simple. La guerre se termine, l'ONU nomme Bernard Kouchner comme émissaire pour administrer en fait le pays, mais ces tensions vont être là très très longtemps. Puis bon, finalement, ça va un peu s'apaiser. En tout cas, il y aura en 2008... L'indépendance du Kosovo. Mais toujours pas reconnue par la Serbie, hein, qui continue de tenir absolument à ce territoire comme étant le sien, surtout à cause des racines religieuses orthodoxes. Ouais. Manon Lebensky, journaliste à l'émission Midi Info, que vous animez également à l'occasion, ça a été un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.